Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va parler de l'équipe de Dolbeau-Mistassini au niveau senior avec l'équipe du multi-concessionnaire Jean Dumas Lac Saint-Jean. Question de savoir un peu comment que ça s'est passé hier au repêchage et parler un peu de comment qu'il entrevoit la prochaine saison. On parle avec le nouvel instructeur chef Gérald Leclerc. Bon après-midi, Gérald. Oui, bonjour. Gérald, c'est la première fois, honnêtement, que j'entends parler, que je fais une entrevue avec toi. Ça fait 9 ans que Dans le Radio Sport existe. Puis on m'a toujours dit que dans Dolbeau-Mistassini, Gérald Leclerc, c'est le plus grand entraîneur de tous les entraîneurs. Pourquoi avoir accepté le poste du senior? C'est parce que c'était la façon dont ça m'a été présenté, c'était un nouveau défi, là. Okay. La disponibilité au travail, c'était la raison pourquoi j'avais arrêté d'entraîner. Maintenant, là, étant donné qu'il y avait la façon qu'ils ont proposé le projet, il y avait seulement un match par fin de semaine. Puis là, c'est pour ça que la disponibilité, j'en ai pas plus, mais là, c'était plus accessible. Puis on a parlé beaucoup d'ajustements, fait qu'on s'est entendu là-dessus. Okay. C'est ce qui m'a donné le goût de revenir. Parce que là, le goût du hockey, il a toujours été là, mais c'était la disponibilité au travail que j'avais pas. OK. Comment tu entrevois ça, diriger avec des équipes seniors? C'est pas pareil pantoute. Il va y avoir la réalité du travail. Toi-même, tu travailles. Il va en avoir d'autres également. Comment tu entrevois ça? C'est pas facile. Tu toujours avoir des plans de match. Tu vas manquer des joueurs à l'entraînement, j'imagine? Oui, c'est ça. L'entraînement, moi, c'était un but important pour moi. Là. C'était un point important. Avoir des entraînements, mais il a fallu que pour accepter le poste, il fallait que j'accepte la réalité, qu'il fallait que j'entraîne moins souvent. Puis peut-être il va y avoir des semaines qu'il n'y aura pas beaucoup d'entraînement, peut-être pas du tout. OK. Donc là, je vais me fier beaucoup sur le vécu des joueurs, là, parce que c'est étant donné que le territoire va être agrandi. Là, j'ai le Lac Saint-Jean au complet, là, avec quelques joueurs avec le repêchage d'hier, on a quelques joueurs de l'extérieur du lac qui vont être au Saguenay. OK. Donc, étant donné qu'ils ont plus grand vécu, puis aussi beaucoup plus historique qu'un joueur junior, fait qu'il va être plus facile d'expliquer des nouvelles façons de faire, la philosophie, ça va être plus facile à comprendre aussi. Là. OK, OK. C'est ça qui m'intéresse aussi. Ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu as parlé comment vous avez procédé hier pour le repêchage? Comment vous avez... est-ce que tu as parlé avant de repêcher, est-ce que tu t'es assuré qu'ils viennent ou que tu les as repêchés, puis après ça, tu dis, garde, on s'organisera avec? Ben là, nous, on avait déjà notre liste de joueurs qu'on savait pas mal qui allait venir, notre territoire plus le territoire d'Allemagne. Allemagne, on avait les joueurs d'Allemagne, on avait les 5 premier choix. OK. Donc, on savait avec qui, quelle en ligne qu'on s'envoyait choisir là, avec ceux d'Allemagne. OK. Pour le reste, bien, moi, j'en connaissais, t'avouais franchement, j'en connaissais pas beaucoup. Une chance qu'on avait Nicole qui avait un vécu avec eux autres. Là. Il a pu les voir aller au cours des 10 dernières années. Ouais. Puis, on y est allé ce qu'on pensait, puis que. Un peu avec les testings, parce que là, on pouvait pas aller les voir jouer. On était en début d'été, début d'année, je veux dire. Okay. On n'avait pas de point de repère pour les choisir. Fait qu'on est allé sur le feeling. Puis là-dessus, on s'est aperçu, on a fait des téléphones hier avec les niveaux qu'on a choisis. On s'est aperçu qu'on avait des bonnes surprises, hein, des belles surprises. OK. Donc, la semaine passée, j'avais fait un truc des Boulianes, mais il me disait on attend 40 joueurs. C'est à peu près ça que tu attends en fin de semaine pour le repêchage, pour le début du camp? Ben, c'est peut-être environ ça qui est inscrit, mais pour le début du camp, c'est pas tout le monde, encore une fois, à cause du travail. Oui. Des engagements. Là. Il n'y en aura pas autant. Mais il va sûrement y avoir entre 25 et 30 joueurs. Là. OK. Puis okay. Par la suite, ben là, ceux qui ne pouvaient pas être là, la première fin de semaine, on va les revoir plus tard. Là. OK. On a 4 semaines pour se préparer. OK, 4 semaines. Donc, ça veut dire 4 séances d'entraînement, c'est ça que ça veut dire? Ou étant donné qu'il n'y a pas de match, on va faire plus de séances d'entraînement? Les séances d'entraînement, ça va être deux fois une heure et demie. Là. OK. On va être capable, si le groupe est important, on va être capable de se séparer en deux. Sinon, on va faire un peu plus qu'un entraînement normal. OK. On va être en mesure de se préparer comme il se doit. Puis s'il faut rajouter des séances, je sais que le vendredi, il y a une disponibilité aussi. Là, quand ça va être possible, la vraie réalité, c'est être capable que les joueurs soient là. C'est clair. OK. Donc, ça va être beaucoup la présence des joueurs qui va décider la façon qu'on va être capable de s'entraîner. OK. Je pense que la réalité un peu plus c'est exactement ça. Je pense que ça se ressemble à ça. Okay. C'est-tu plus de travail parce que c'est une nouvelle ligue, c'est quelque chose de nouveau, donc tu as un programme à monter. J'imagine que ça va être pas mal plus de travail à monter. Pas vraiment, parce que moi, c'est dans ma philosophie d'enseignement de hockey, là, ça va me permettre d'aller plus loin dans ce que j'aurais toujours voulu être capable d'enseigner. Mmh. Avec le junior, ben, étant donné que là, j'avais des joueurs qui sortaient du midget, j'avais un peu moins de vécu, donc j'avais pas assez de séances d'entraînement pour aller au bout de ce que je voulais aller. Mais là, avec le senior, étant donné, comme je te disais, ils ont plus de vécu, plus des joueurs de première qualité qui vont se présenter. Donc là, je vais être capable d'expérimenter des choses que j'aurais voulu tester dans le temps. Okay. Je pense que c'est un défi qui m'intéressait justement à cause de ça. Je vais être capable d'aller plus loin encore dans ma philosophie et dans mon enseignement. Ça va me permettre c'est drôle à dire, mais ça va me permettre peut-être de tester des choses pour la première fois depuis que je suis entraîneur. OK. Toi, tu as dirigé les Éperviers. Ça m'anime, ça. OK. Tu as dirigé les Éperviers du lac Saint-de-Normandin. Parce que moi, ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Là. Puis on me dit que c'est le meilleur coach. Donc, à part les Éperviers, tu as fait quoi? Moi, j'ai commencé, comme tout le monde, avec mes jeunes qui étaient novices. OK. J'étais responsable de catégorie de mes jeunes. Puis à un moment donné, ben, la fibre d'entraîneur a commencé quand je suis devenu atome. Mon fils est devenu atome. Puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à délaisser un peu mes garçons, puis de me spécialiser vraiment dans le rôle d'entraîneur. Okay. J'ai suivi beaucoup de formations, de séminaires durant l'été pour parfaire mes connaissances, puis mes façons d'enseigner, puis trouver aussi une philosophie là, qui m'appartenait à moi là, pour vraiment que je m'exprime dans comment moi je percevais le hockey. Mm-hmm. Puis là ensuite, je suis devenu entraîneur du Pee-Wee 2B. J'étais dans la première équipe là, du Bantam 2A régional. Okay. Ensuite, là, c'est tout de suite après ça là, que, étant donné que la distance, encore une fois, ça a créé des problèmes de travail. Fait que j'ai trouvé d'arrêter un an, mais ça a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté longtemps. C'est là que les éperviers m'ont demandé de me joindre à eux autres. Oui, OK. Ben, étant donné que là, c'est la première fois que je pouvais coacher, entraîner une équipe supérieure au midget. Fait que le junior, c'était très intéressant. Fait que là, j'ai trouvé un nouveau défi dans ça, puis j'ai bien aimé ça. On a eu beaucoup de succès. Mmh. Hey, Gérald. Une réputation, ça se bat aussi avec du succès. Hein. Oh, oui, c'est ça. Dire c'est n'importe ça. Quoi, là, si t'as pas de succès. C'est exactement là, ça. Gérald, au niveau des adjoints, comment que ça va se passer? J'ai su que Sylvain Bonneau allait être ton adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres adjoints qui vont se joindre à ton équipe d'entraîneur? Non, je vais toujours entraîner à deux. Ah, OK. Il y a peut-être eu des occasions lorsque j'avais un entraîneur des gardiens, mais je n'ai jamais eu beaucoup d'entraîneurs autour de moi. Puis, le choix, pourquoi j'ai pris Sylvain? C'était mon premier choix parce qu'à cause de son vécu. Okay. Il était propriétaire d'une équipe senior pendant 5 ans. Il a entraîné. Il a un vécu de joueur collégial puis junior majeur. Fait que puis il a gardé les buts justement pour cette équipe senior-là à Robertval. Ah ouais. Fait que c'est tout son vécu, ses connaissances comme propriétaire puis entraîneur en même temps. Parce que je crois qu'il a entraîné quelques saisons là, cette équipe-là. Ça, c'est un atout important parce que là, on a affaire à des gens qui sont sur le travail. C'est sûr que c'est pas pareil. Déjà, passer du midget au junior, il y a une différence. Au junior, ça commence à travailler. Là, maintenant, c'est une autre affaire. Donc, encore une fois, puis là, il y a des familles au travers de ça. C'est une réalité qu'il faut avoir. Gérard, c'est surtout pour le vécu hockey. Moi, c'est pour le vécu hockey. Donc, tu arrives avec un joueur senior, un joueur qui a entre 25 et 30 ans, 30, 35, puis moi, je m'attends peut-être qu'on va avoir des joueurs de 40 ans, jusqu'à 40 ans. Des joueurs de 40 ans, c'est qui ton plus vieux? Ben, tu dois avoir une bonne idée de la liste de joueurs. Le plus vieux qui s'est inscrit, là, c'est Cédric Minier. Je vais le connaître. Cédric, c'est à quoi, ça 36? Je l'ai jamais entraîné, mais je l'ai vu jouer, puis je suis sûr qu'il devait être encore en mesure de bien performer. S'il était en forme, il devait être capable de faire sa place. Okay. Mais s'il y a un joueur de cet âge-là, de ces âges-là qui se présente et qui fait l'affaire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Cédric, c'est à quoi, ça 40 ans, ça? Cédric, je pensais pas, là, peut-être 38. Ok. Ben, Gérald, on va se parler toutes les semaines, ça me fait extrêmement plaisir de collaborer avec toi et de faire connaissance. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi, puis là, finalement, on va avoir la chance de se connaître davantage. D'accord. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est un beau défi, je crois. Oh oui, c'est un beau défi, puis c'est un défi de fun. Ben voilà, donc c'est un instructeur chef du multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini, Lac-Saint-Jean, Jean Dumas, l'instructeur chef Gérald Leclerc.